Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. De Météo GBL profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard Gagnon à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 88-276-6102. Vos caisses Desjardins du Lac-Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie. Et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. On va parler de boxe avec notre ami Bernard Barré. C'est la revue de l'année de la boxe. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, avant de commencer, je pose une question à tous mes invités pour le temps des fêtes. Ton plus beau cadeau qui a rapport avec la boxe que tu as eu, cadeau des fêtes? Ben mon plus beau cadeau, c'est bien sûr que, comme tout le monde, là, tout ce qu'on souhaite, c'est plus sur place, parce que là, la boxe, elle a vécu tellement une année. Non, mais que tu as eu, je te parle de que tu as eu, là, dans le passé. Ah, que j'ai eu dans le passé? Ouais. Ben, souvent, nous, groupe gym, on avait des programmes de boxe à la fin décembre, même des fois, là, ça a zarpé, on était près de Noël. Il y en a plusieurs là-dedans, que ça a été des combats d'Adonis Stevenson de défense de championnat. Ouais, okay. On a eu aussi le combat de Pascal Hopkins, les gens s'en rappellent, là, le premier là, qui avait terminé par un combat nul. Fait que pour nous, c'était notre cadeau de fête. On s'en faisait tout le temps. Hein? On avait un programme de boxe là, qui était à une semaine du jour de la fête de Noël. Fait que malheureusement, cette année, on va passer notre tour. Ah, gars, c'est que comme tout le monde est bon. L'année 2020, ça a été une année de merde. Excuse-moi pour la boxe, là, c'était vraiment, là, quelle année. Écoute, au moment où on se parle, là, la boxe, c'est très difficile de tenir des galas. Oliver Tiger est obligé d'envoyer le combattant au Mexique. C'est pas joyeux là, ce qui se passe dans le monde de la boxe. Ouais, puis il n'y a pas juste Oliver Tiger, nous aussi, on envoie des athlètes au Mexique comme c'est là, puis on avait hâte que ça se termine. Parce que, effectivement, tu sais, ce qui fait marcher la boxe, c'est les promoteurs. Tu sais, c'est les promoteurs qui organisent les galas pour la suite. Ben là, à travers de ça, tu as les gérants, tu as les entraîneurs, tu as les boxeurs et tu as le monde des médias aussi qui en profite. Et malheureusement, un promoteur actuellement, avec tous les protocoles sanitaires qui sont demandés, de faire un galop de boxe, mais dans le fond, tu le fais à perte. T'sais, un promoteur de boxe, habituellement, va faire un galop de boxe, il dit peut-être m'en faire d'argent, peut-être j'en ferai pas. Mais au moins, il y a une possibilité. Alors que dans le moment, il y a une certitude, et la certitude, c'est que t'es sûr que tu vas planter, tu vas perdre l'argent. Fait que tu l'as fait à perte. C'est pour ça qu'actuellement, la business est stagnante, et puis on avait hâte que tout ça se termine, parce que à travers de ça, on veut supporter nos athlètes puis nos gens d'industrie, et c'est très, très difficile. Donc, il y a Top Rank qui a sorti du lot, qui a fait une bulle à Vegas, puis qui a fait plusieurs programmes de boxe. À un moment donné, ici, c'est épuisé, là, cette année de ça, puis il a tiré la blague. On a bien hâte là, que tout redevienne à la normale, même en temps de guerre. Même en temps de guerre, Danny, là, la boxe, elle continuait. La boxe professionnelle continuait. Puis en plus, il y avait de la boxe militaire. Donc, alors que là, aujourd'hui, ben là, tout est là, tout le monde tourne en rond, tu vas dans les gymnases, il y a beaucoup d'émotivation, c'est tout à fait normal. Et là, on attend comme tout le monde. Je pense à un jeune comme Lexune Mathieu, qui était vraiment, là, qui est une perle, là, ce gars-là. Là. C'est un diamant, là, l'état brut, qui est un potentiel incroyable. Là. Lui, là, la motivation, elle doit être difficile, hein? C'est très, très dur. Mais d'un autre côté, encore pire que ça, quand un boxeur est en fin de carrière, tu es en fin de carrière, tu restes peut-être un an, peut-être un, deux, trois combats, Puis là, là, t'arrives, là, ça te retarde. Puis on sait, la boxe, là, la condition physique, puis tu vieillis à un moment donné, là, t'es un peu comme Bernard Hopkins, là, tu défies les lois de la nature. Puis un matin, tu te lèves, puis là, whoop, le temps t'a rattrapé, là, tu tombes vieux d'un coup sec. Donc, c'est encore pire pour ceux qui pensaient, là, qu'il restait quelques combats, puis que là, peut-être, on les reverra plus, là. Un gars comme Lexan Mathieu ou comme d'autres jeunes qu'on a actuellement. Mabouda, entre autres. Je parle entre autres de Mabouda. Oui, ils peuvent vivre, eux autres, d'espoir, de dire éventuellement, ça va reprendre. J'ai des belles années quand même devant moi. Mais je suis d'accord avec toi, anyway, de toute façon, que ce soit jeune ou vieux, on est tous dans le même bateau. Puis c'était une année terrible là, qu'on souhaite ne plus jamais revivre. Parce que c'est tellement démotivant. Démotivant, c'est le mot exact. Là. Est-ce que Jim est en danger? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on a quelques boxeurs. Nous, contrairement à Air of the Tiger, 26-27 boxeurs sur contrat environ. Là. Je peux peut-être me tromper dans les deux. Là. Alors que nous, Jim, on a 8. Puis on trouve le moyen d'envoyer nos boxeurs à l'extérieur. Là, actuellement, on travaille sur un protocole. On a espoir de faire un calot de boxe au mois de février à Québec. On travaille sur, c'est moi qui est en charge du protocole là, avec les négociations, avec la santé publique, avec le service de police là-bas. Bon, pour repartir la machine, mais on a quand même eu l'occasion d'envoyer plusieurs de nos boxeurs, nous, à l'extérieur. On a juste pensé à Ken Clavel, là, qui a fait deux combats, dont un au MGM Grand à Vegas, là, qui avait été très marquant. Donc, on a eu cette opportunité-là, Alvarez, qui est allé se battre aussi contre Joe Smith à l'extérieur. On a eu ça qui a donné une chance là, à nos athlètes de rester jusqu'ici, qui est allé se battre aussi à l'extérieur. Mais c'est certain que pour d'autres, comme Bouchard, exemple, à Québec, mais là, à ce moment-là, l'attente est longue. Là. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien qu'au mois de février, on soit capable, dans une bulle, d'aller présenter un gala à Québec à perte, bien entendu, mais au moins pour tenir la boxe vivante. Là, c'est sûr que si on est en danger, non pas du tout. Le groupe du Mont-Michel est là depuis 2004. Et puis, on a survécu à beaucoup de tempêtes. Là. Non, je sais. Je pourrais t'en parler longtemps. Mais non, pas du tout. On est là, on est très confiants. Puis notre industrie, nous, en tout cas, notre compagnie voit bien. OK. Donc, on va y aller maintenant avec Marie-Ève Diguerre, que elle devait se battre contre Shields. Et on ne sait toujours pas quand ça aura lieu. Ça c'est décevant. Oui, Clarissa Shields, hein, la double médaillée d'or olympique, championne unifiée, qui veut descendre puis venir chercher la ceinture à Marie-Ève Diguerre, mais ça aurait été exceptionnel pour Marie-Ève Diguerre, c'est le jackpot là, quand tu réussis à affronter peut-être la meilleure, la plus populaire, si tu veux, avec Cathy Taylor au niveau de la boxe féminine, d'être capable d'avoir un combat contre elle. Mais ça aussi, là, t'as un promoteur qui est aux États-Unis, qui a préparé ce programme-là, puis là, il est obligé de le remettre, puis là, un autre a essayé de le remis. C'est très, très difficile pour Marie-Ève Diguerre de rester motivée, parce qu'elle, ça fait plus qu'un an maintenant qu'elle n'est pas embarquée sur le ring. Ça aussi, c'est très démotivant. Et là, elle avait le jackpot. Elle avait frappé le jackpot, un combat contre la Kessogir. Vraiment, là, autant monétaire que de te faire connaître mondialement, tu as cette opportunité-là. Et là, tu es pogné dans de l'air, ça n'avance pas. Puis c'est certain que le promoteur qui veut organiser ça, bien entendu, il va l'organiser à perte, il faut bien le dire. Donc, ça veut jusqu'à temps que ça soit le temps, puis là, ça lâche. Fait qu'on en est là. Et puis là, on a entendu parler, elle aussi, Phil est un peu découragée de ça. Elle a commencé à regarder du côté du MMA, là, des arts martiaux mix, pour aller dans cette direction-là. Eux qui semblent plus actifs, en tout cas, dans cette période des alentours-là. Donc, on souhaite toujours que ça fonctionne, parce que ça, là, à un moment donné, le bateau passe, là, le train passe en bac dedans. C'est ce que Marie-Ève a fait, mais malheureusement, le train a arrêté pas loin. Là, tu sais, on n'a pas été viré loin avec ça. OK. Donc, il y en a plein là, de même. Là, tu sais, entre autres, Alvarez, entre autres, tu sais, nommez-les, il y en a gros là, qui sont de même, qui sont pris dans le même bateau. Puis ça, je trouve ça Très, très, très, très dommage. Bernard, si vraiment, on va faire une pause et on va continuer à parler de la boxe en 2021. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective du monde de la boxe avec Bernard Barry sur les ondes de danazosport.com. Pour le temps des fêtes, Salaison Besson tient à remercier toute sa clientèle pour leur fidélité durant l'année. Durant cette période particulière, profitez-en pour passer du temps en famille, téléphoner aux personnes seules et soutenir les entreprises d'ici. De toute l'équipe de Salaison Besson, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbo-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. On est là-dedans avec Bernard Barré. Bernard, en 2020, il y a des gens qui nous ont quittés. Régis Lévesque, écoute, c'est pas vraiment une surprise qu'il est décédé. Régis a fait beaucoup pour le monde de la boxe au Québec. Lui est décédé en 2020. Oui, Régis, c'était un bon ami à moi. C'est malheureux, j'ai assisté à ses funérailles. Puis ça, c'est certain que pour Régis, il a tenu la boxe professionnelle québécoise à Bicoura dans les années 60, 70, 80. Et là, à un moment donné, c'est sûr qu'il a passé le flambeau. Là, on a qu'à penser à des gars comme Mark Spitzer, Roger Martel, qui sont contactés par la suite. Mais Régis Lévesque, là, lui aussi, là, avec peu de moyens, a fait des choses exceptionnelles. C'était un vendeur hors pair. Lui, le marketing, le ting-ting, il connaissait ça là, sur le bout de ses doigts. Là. Il nous faisait des propositions là, qui des fois farfelues, mais finalement, on était contents d'embarquer là-dedans. Ça en était drôle. Et puis, il livrait la marchandise. Moi, régulièrement, j'allais au Centre Paul Sauvé. Les programmes de boxe, à l'époque, étaient le mardi soir. Puis, il y en avait tous les mois. Fait que c'était comme, waouh, encourageant. On s'en allait là. On s'en faisait notre sortie pour le mois. Et Régis trouvait le moyen de nous vendre des combats locaux comme si c'était des combats de championnat du monde. Puis, nous autres, on était contents de ça. On croyait ça. Fait que c'est juste pour dire que c'était un phénomène. Là. Et puis, avec peu de moyens d'avoir réussi à vivre de la boxe professionnelle pendant beaucoup, beaucoup d'années et surtout de donner énormément de travail à toute l'industrie, de les gens de l'industrie. Lui, c'est vraiment les Hilton. Il a fonctionné beaucoup avec les Hilton et Eddie Mello aussi. Oui, c'est ça. Il a pris Eddie Mello, qui finalement, jeune de 17 ans, d'Ontario, Toronto, l'a emmené comme une grosse vedette, le gars avait une claque et il l'a embarqué dans une série de combats contre des gars qui n'ont pas d'affaires là, pour finalement arriver avec la trilogie avec Fernand Marcotte, qui a marqué l'histoire, là, rempli l'auditorium de Verdun, le Forum de Montréal, le Forum de Montréal, le Stade Olympique, là, finalement, ça a fini au Stade Olympique, c'est le troisième. On a tellement eu plaisir à voir ça, mais c'est pour donner une idée, puis je l'ai déjà dit à ton émission. Eddie Mello, nous, on pensait que c'était le futur champion du monde. Ce gars-là s'est battu trois fois en combat de championnat canadien, là, avant de gagner. Donc, ça te donne un petit peu une idée de entre ce que Régis nous disait et finalement ce qui était la réalité. Mais on était contents. On était contents. Nous, on trouvait ça stimulant, là, les histoires de Régis. Des fois, ça ne va pas ni queue ni tête, mais de notre côté, on aime à ça le croire. Ah, regarde, je me rappelle, effectivement. Qu'est-ce que tu prévois pour 2021? Ben moi, j'ai l'impression que, comme un peu dans toutes les sphères de l'actualité, à partir du moment que le vaccin va avoir fait le travail, puis que là, la confiance va revenir dans la population, ça va être la même chose dans la boxe. Les boxeurs vont... Il y a un manque, là. On est en manque. Là. Nous, on vit beaucoup sur l'adrénaline. La boxe, c'est un sport extrême. C'est un sport extrême, un sport intense. Et autant les amateurs que les athlètes l'ont vu sur l'adrénaline de voir des combats. Fait que j'ai l'impression que ça va passer sur le chapeau de roue à partir du moment où là, on va avoir le feu vert, là, où là, ça va devenir intéressant, où là, on va pouvoir mettre des gens dans la place qui vont faire en sorte que le programme de boxe ne sera pas déficitaire. Parce que contrairement à d'autres sports, si on prend le football ou on prend le basketball, qui réussissent à faire quand même leurs activités à cause des contrats faramineux au niveau de la télé américaine. Tu sais, on a juste à penser au hockey, là. Au hockey, là, ils sont pas chaud de recommencer, eux autres-là, parce qu'ils savent qu'ils vont, en bout de ligne, ils vont en perdre l'argent, là, les propriétaires, là, en bout de ligne. Puis les joueurs aussi, ben, ils vont en faire, mais ils vont en faire moins que prévu. Fait que, tu sais, nous, la boxe, on dépend, oui, de la télé, le pay-per-view, la télé payante, un peu les réseaux sportifs, mais c'est pas là, là. Nous autres, il faut remplir des salles pour, à tout le moins, être sûr de pas perdre d'argent. Là, à un moment, on peut pas mettre personne là, là. Fait que, dans le fond, c'est impossible, là. Chapeau à Camille Stéphane, qui a fait un programme de boxe à Shawinigan, qui a fait un programme de boxe à Rimouski, avec pas de spectateurs, là. Ça y a coûté, c'est sûr, certain. Ah ouais. Il va pas en parler parce que c'est personnel. Ça a coûté une beurrée, vous êtes des sublimants. Ouais, effectivement. Ben, il me reste qu'à te souhaiter, Bernard, beaucoup de santé, de bonheur et de prospérité en 2021. Encore une fois, écoute, la santé, on dit que c'est toujours ça qui est important, puis que cette année de merde se termine finalement. Joyeuse fête, repose-toi bien, puis au plaisir de se reparler en 2021. Ben, la même chose pour toi, Danny, il y a 10 heures, franchement, c'est quand même une collaboration. 12 ans déjà, là, et puis ça me fait toujours plaisir de vous parler, puis tant mieux si vous appréciez mes commentaires et on se revoit en 2021. Ça ne peut pas être pire en 2021. Ah non, regarde, ça ne peut pas être pire. Notre ami Bernard Barré qui nous parlait de boxe.